L'actualité à Nancy et ailleurs. Qui dit début d'année dit un nouveau cycle à la Filoche. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Thomas X. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, hein, Thomas qui est chargé de communication pour la communauté de communes Moselle et Madon. En studio, nous avons aussi Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Qui démarre son stage, le traditionnel stage 3e, et qui va découvrir pendant une semaine donc, les coulisses de la radio. Les coulisses, en coulisses bien sûr, c'est le thème de ce nouveau cycle, hein, n'est-ce pas Thomas ? Voilà, exactement. On débute l'année avec cette nouvelle programmation et on voulait un petit peu inviter le public pour ces 3 prochains mois à voir l'envers du décor. En fait, on voulait aller sur les mystères et les étapes de création de tout ce qu'on propose à la Filoche. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser un petit peu le rideau et de voir, par exemple, l'art du doublage d'un film, l'art de la construction et la création d'une BD, ou même comprendre comment on fait des effets spéciaux au cinéma ou comment on monte une pièce de théâtre. Voilà, on va revenir un peu sur les différents temps forts qu'il va y avoir. Vous avez choisi ça comment, alors, en coulisses ? Alors, comme d'habitude, en fait, vraiment, ce qui est intéressant en Filoche, c'est qu'on fait ce travail en équipe. Un an en amont, en fait, on se regroupe tous, toutes les équipes de la ludothèque, médiathèque, espace multimédia, et on donne nos idées. Et en fait, ce thème est ressorti parce qu'il permet vraiment de faire comprendre déjà nos métiers, les métiers qu'on fait à la Filoche, et aussi de vraiment comprendre tous les aspects de la création qu'il peut avoir dans tout ce qu'on propose à la Filoche. Donc la soirée de lancement, c'est le 31 janvier. Voilà, c'est ça. Donc soirée de lancement avec vernissage des 2 expositions et le spectacle Y'a des watts. Alors c'est un spectacle assez marrant où on va suivre une diva qui s'appelle Rosie Volt et qui va venir sur scène mais qui va avoir plein de problèmes. Ça va pas se passer comme elle veut et elle va revisiter un peu l'art du clown en fait. Et ce qui nous a intéressé dans ce spectacle, c'est de comprendre ce qui se passe derrière le rideau qu'on ne doit pas voir. Et là, justement, dans ce spectacle, on va voir comment y a des erreurs qui se font, son travail avec son régisseur qui va venir sur scène pour lui remettre son micro, pour lui remettre tout son casque, etc. Et on va voir vraiment toute la construction de façon vraiment très humoristique d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle. Voilà, donc ça, ce sera lors de la soirée de lancement. Ce qui va courir sur toute la durée, c'est les 2 expositions. Voilà. Alors, donc, du 31 janvier jusqu'au 26 avril, on va avoir 2 expositions. La première s'intitule « Leur décor après eux ». Alors, si ce nom vous est un petit peu familier, c'est parce que on a donc Bastien Simon, qui est un dessinateur qui était assistant décoration sur le tournage du film « Leurs enfants après eux », tiré du roman de Nicolas Mathieu, et il a tiré de cette expérience 67 planches de dessin où il retrace un petit peu, il illustre son expérience au sein de ce tournage de cinéma et on montre vraiment toutes les coulisses de la création d'un film, de la création d'un décor et c'est les rapports entre les différents corps de métier dans le cinéma. Et la fabrication d'une bande dessinée, là aussi il y a un scénario. Il y a plus voilà, là c'est une exposition plus enfant, donc on va suivre les aventures de Astrid Bromure qui est une petite héroïne et on va partir de l'idée de création de l'auteur jusqu'à l'objet fini qu'on va tenir dans les mains et on va comprendre comment on crée un récit, comment on colorise, comment on dessine, comment on met la place des dialogues dans les différentes vignettes et c'est une exposition qui nous est prêtée par la médiathèque départementale. Voilà, jusqu'au 26 avril. Voilà, 2 expositions à voir sur toute la durée de ce cycle. Et bien, sur cette durée aussi, il va y avoir différents temps forts. Des ateliers, vous les avez évoqués, notamment autour du doublage. Voilà, on va avoir notre journée thématique le 1er mars. Donc, c'est une habitude qu'on a régulièrement de faire une journée entière dédiée à la thématique en coulisses. Et on va avoir plusieurs ateliers. Donc, on va avoir un atelier pour tester nos talents de comédien, voilà, pour essayer d'être comédien. On va avoir un atelier sur le doublage du cinéma, donc sur une bande rythmo, on va pouvoir s'essayer seul ou à 2, en famille, en groupe d'amis, à faire le doublage d'une publicité, d'un extrait de film, d'un dessin animé. On va avoir aussi la magie du fond vert, donc comprendre comment le fond vert fonctionne, et on va pouvoir s'amuser surtout à se prendre en photo et à faire des vidéos sur le décor que l'on souhaite. Si on a envie de faire de la météo, on peut. Si on veut être un super héros, on peut aussi. Donc du coup, on va vraiment voir lors de cette journée sur 5 ou 6 ateliers toute la conception un peu derrière ce qu'on peut voir quand on voit une émission de radio, un jeu vidéo ou un film. Axel, toi tu découvres un peu le programme de ce qui va se passer à la Filoche. Spontanément, tu irais vers quelle animation ou voire atelier ? Je pense que l'atelier de doublage de cinéma, ce serait vraiment intéressant pour essayer de se mettre dans la peau d'un personnage et vraiment essayer d'être comme lui, de faire comme ça. Ça m'a l'air super intéressant. Et surtout que dans l'actualité, on en a entendu beaucoup parler en ce moment du doublage entre les IA qui pourraient remplacer les doubleurs, etc. Totalement. Là, on remet un petit peu l'humain au centre parce qu'on voit, on se rend compte vraiment que même dans, on a un autre atelier sur les secrets du trucage et on apprend vraiment comment l'homme, en fait, est quand même toujours maître de tous les effets spéciaux. C'est lui qui décide et c'est quand même plus agréable d'entendre des voix que des IA. J'ai vu aussi que vous prévoyez d'ouvrir un peu vos portes à la Filoche, de faire des portes ouvertes, de découvrir les coulisses pour le coup de la Filoche. Voilà, tout à fait. En fait, c'est une idée qui a suivi le fil de notre thématique et on voulait un petit peu ouvrir les portes de la Filoche pour faire mieux comprendre nos métiers, parce qu'on a quand même des gens qui sont spécialisés dans les films, d'autres qui sont spécialisés dans les documentaires, on a la ludothèque. On ne comprend pas forcément ce que c'est, quel est le travail d'un ludothécaire. On a aussi notre chargée de programmation qui va expliquer comment elle travaille avec les compagnies théâtre, comment on peut accueillir des compagnies en résidence. Et c'est vraiment l'idée d'ouvrir la Filoche sur 3 rendez-vous au temps du cycle et d'aller aussi dans les endroits qu'on ne connaît pas, dans les réserves, dans tous ces endroits-là qu'on ne connaît pas à la Filoche. Ça aura lieu quand ces portes ouvertes? Il y aura plusieurs rendez-vous? Il y a plusieurs rendez-vous. Le premier, ça sera le mardi 11 février, le second le mardi 25 février et le dernier rendez-vous, ça sera le mardi 1er avril à 10h. Voilà, bien sûr, Thomas nous a donné plein de dates, plein d'horaires. On peut retrouver ça sur le programme de la Filoche, hein, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, sur notre page Facebook ou sur notre site la-filoche.fr. Et je vous invite toujours à réserver nos événements qui sont tous gratuits, mais il faut réserver en ligne. Notamment la soirée de lancement du 31. Exactement, notamment la soirée de lancement qui est toujours quasi complète assez rapidement. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.